Donc je disais, donc ça, la source, c'est mon enthousiasme pour ce genre. Donc ça veut dire que mon approche va sans doute être assez désorganisée, tout à fait partielle, puisque conditionnée par les lectures que j'ai faites, celles que je n'ai pas faites en creux, la façon dont elles m'ont marquée, et par le fait que je ne suis pas spécialiste de littérature. Donc je suis très reconnaissante pour l'assemblée nombreuse, mais si vous êtes expert en science-fiction, j'ai peur que je ne vous apprenne pas grand-chose. Ces mises en garde préalables passées, je me suis quand même dit que j'allais m'efforcer de ne pas trop céder à la tentation de saboter mon propre discours par trop d'hésitation. Mais pourtant, je vous encourage à ne pas accorder trop d'autorité à ce qui va suivre, et donc à compléter mon exposé par vos questions, vos ressentis personnels de lecture et vos connaissances. Et pour donner donc tout de même un fil directeur à cette discussion, j'ai choisi de me demander comment la science-fiction, en tant que genre, peut offrir un espace de réflexion, d'expérimentation et de prise de conscience féministe. Et je répondrai à cette question de deux façons. D'une part, en proposant une rapide remise en place historique pour montrer comment la science-fiction féministe a évolué en rapport avec l'histoire de la science-fiction et du féminisme. Et d'autre part, seconde façon de répondre à cette question, j'aimerais discuter certains des motifs principaux de la science-fiction féministe, principalement à partir de quelques exemples, de quelques lectures. Et la conclusion à laquelle j'aimerais parvenir, je l'ai dit maintenant au cas où tout. Enfin bon, c'est que ces motifs ont pour particularité de remettre en question l'évidence et la naturalité des structures et des institutions de nos sociétés, en tant que nos sociétés sont patriarcales, hétéronormées et binaires, bien sûr, mais aussi en tant qu'elles sont capitalistes, occidentales, et construites autour du culte d'une certaine objectivité, autrement dit, en tant qu'elles sont organisées autour de l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, bourgeois, valide, détenteur et promoteur d'un certain type de savoir et de scientificité. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par quelques définitions et par cet aperçu des évolutions historiques. Et je vais suivre ici les textes d'intervention de Rich Calvin et de John Reader, des interventions qui ont été données dans le cadre d'un séminaire à Hambourg en 2012 qui était intitulé A Virtual Introduction to Science Fiction et qui est donc entièrement disponible en ligne à l'adresse virtual-sf.com. C'est de la science-fiction éducative. Donc, pour la notion de féminisme, je vais me placer ici dans une conception selon laquelle le féminisme est un vaste courant de pensée théorique, politique, sociale, culturelle, artistique, militant, mais avant tout critique de l'ordre établi et qui œuvre à l'avènement d'une société libérée des oppressions multiples qui résultent de l'intersection de la race, du genre, de l'orientation sexuelle, de la classe, etc. Enfin, je propose cette définition sans prétendre que c'est la seule définition admise, et bien sûr, il y a eu des évolutions de cette notion et de cette conception à travers l'histoire et l'espace. Définir la science-fiction, c'est une autre entreprise complexe et multiple, et la question de savoir d'ailleurs si c'est un objectif qui est pertinent a été posée très sérieusement, par exemple, donc par John Reader lui-même, dans un article intitulé On Defining Science Fiction or Not, qui soutient en particulier que la diversité du genre empêche toute entreprise englobante. Mais il y a deux définitions qui m'intéressent particulièrement, je pense, pour cet exposé. La première, c'est une définition normative, et dans la critique que Reader en fait, il remarque que finalement, il n'y a que 5% de la science-fiction existante qui pourrait entrer dans les. À proprement parler dans ces catégories. Mais donc cette première définition, elle a été proposée par Darko Suvin. Donc Darko, c'est son prénom, Suvin, Suvin, dans un article de 1972 intitulé Sur la poétique du genre de la science-fiction. Et selon Suvin, la science-fiction est caractérisée par la présence et l'interaction d'étrangetés, ce qu'il appelle estrangement, qu'on pourrait aussi traduire par distanciation. Donc la présence et l'interaction d'une part d'étrangeté et d'autre part de cognition, dont le principal outil formel, je continue à citer, donc le principal outil formel est un cadre imaginatif différent de l'environnement empirique de l'auteur. Donc, autrement dit, pour qu'il y ait de la science-fiction, il faut qu'il y ait à la fois la mise en œuvre de cognition, donc la description d'un univers qui soit logique et cohérent et à un certain niveau reconnaissable, mais aussi, bien sûr, avec l'introduction d'une ou plusieurs nouveautés que Suvin appelle des novum. Ce novum peut se situer enfin, à plusieurs niveaux, mais les niveaux possibles qu'il identifie, c'est le niveau des agents, de l'ordre social, de la topologie ou encore des lois naturelles. Et donc Rich Kelvin remarque qu'en fonction de la localisation de ce novum, il y a différents types de questionnements qui s'ouvrent. Et dans ces questionnements, on voit déjà un certain potentiel de réflexion féministe. Donc, si le novum dominant, donc si les points de différence majeurs concernent les agents ou les acteurs de l'histoire, ça va entraîner une réflexion, donc c'est-à-dire si ces agents sont différents des êtres humains terrestres. Ça va entraîner une réflexion sur ce que c'est qu'être humain et sur ce qui caractérise l'humanité ou le fait d'être une personne, et de façon complémentaire sur ce qui constitue l'autre ou l'altérité par rapport à cette humanité. Et la figure de l'alien, par exemple, elle prend selon lui sens parce que l'alien, il sert à interroger les limites et la construction de la notion d'humanité par rapport à un autre, autre qui ici est littéral, mais qu'on peut aussi voir comme une métaphore des autres dans nos sociétés existantes et contemporaines. Second type de novum, si le novum est au niveau de l'ordre social, donc là on va interroger, bien entendu, donc l'ordre social et politique et les rapports que les individus entretiennent avec la société. Si le novum est au niveau de la topologie, c'est-à-dire que l'environnement, ce qui est interrogé, c'est le rapport à cet environnement et en particulier dans la science-fiction, comment le rapport à cet environnement va être médié et déterminé par la science et par la technique. Et enfin, désolé pour le catalogue, si ce nouveau mais au niveau des lois naturelles, là on entre dans un genre hybride qu'on peut par exemple appeler la science fantasy, qui est donc une limite entre la science-fiction et la fantasy. Et souvent, ce genre-là permet une remise en question du discours scientifique occidental, par exemple en le confrontant à d'autres discours épistémologiques issus d'autres traditions et cultures. Par exemple, je parlerai à un moment du roman Who Fears Death de Hennedy Okorafor, qui est situé dans un Soudan apocalyptique où il y a des restes de technologies que l'on pourrait reconnaître, mais où il y a aussi une certaine pratique de la magie tirée de mythes et de traditions C'est pas exactement soudanais, c'est plutôt nigérienne. Enfin, en tout cas, des populations de cette zone-là. Donc voilà. Donc critiquer où est-ce que j'en ai? Le discours scientifique occidental, ou aussi mettre en avant son biais fortement masculin. Voilà, le critiquer. Et pour compléter cette première définition, j'aimerais ajouter une autre définition qui est plutôt descriptive, on pourrait dire. Et qui a été proposé par Kathleen Spencer dans un article intitulé Le soleil rouge était haut dans le ciel et le soleil bleu bas dans le ciel, vers une description stylistique de la science-fiction. Donc c'est en anglais, en fait j'ai traduit de l'anglais, c'est The red sun was high in the sky and the blue was low. Et donc la question qu'elle se pose, elle, c'est plutôt de savoir comment un lecteur et une lectrice identifient un texte comme étant de la science-fiction. Et pour cela, elle recourt à la notion de détail inutile qu'elle reprend de la théorie littéraire de Barthes. L'idée, selon Barthes, c'est que dans la fiction réaliste, il y a des détails, des descriptions de l'environnement qui n'ont aucune valeur symbolique ni aucune utilité pour l'histoire, mais qui en fait servent à produire un effet de réalité. En science-fiction, le rôle de ces détails est détourné, parce qu'en fait, ce sont ces détails-là qui vont produire un sentiment d'étrangeté, mais en même temps, et c'est ça qui est important pour que ce soit de la science-fiction, ces détails sont présentés comme s'ils n'étaient pas étranges. En fait, l'idée, c'est que le texte de science-fiction, il utilise des techniques réalistes pour décrire un monde imaginaire à, en fait, une audience qui est imaginaire. Donc, il s'adresse au lecteur comme si ce lecteur était dans le monde imaginaire dont il parle. Et donc, la conséquence, c'est que le lecteur réel, il doit s'acclimater progressivement à cet univers fictif pour pouvoir s'assimiler à cette audience imaginaire pour laquelle le récit est parfaitement réaliste. Donc, on pourrait dire que lire de la science-fiction, c'est se soumettre, ça, c'est plutôt une interprétation que je développe, je crois pas que ce soit dans Spencer, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est se soumettre à une sorte, au moins un double processus d'identification. D'abord, on doit s'identifier à ce lectorat imaginaire, et ensuite, éventuellement, à des personnages de l'histoire, comme si on lisait un roman réaliste. Et ce processus d'identification, il est d'autant plus ardu que les novum introduits divergent par rapport aux conceptions de ce qui est normal selon le lecteur. Et ça veut dire que parce qu'on s'habitue en lisant à une nouvelle normalité, donc non seulement les résistances face à cette normalité nous font prendre compte de ce que nous on considérait comme normal, mais aussi quand, pour ainsi dire, on sort du roman, quand on sort du texte, eh bien on ne perçoit plus comme normal ce qui était auparavant normal, puisqu'on a acquis... Enfin, on aurait acquis, au moins dans le cadre du récit, d'autres normes. Donc là, au terme de ces définitions, il semble que la science-fiction présente un terrain particulièrement propice à la pensée féministe. Les efforts d'assimilation, enfin ce que j'appelle de l'assimilation attendue du lecteur, et en particulier les résistances que ces efforts éveillent, permettent de mettre en avant la façon dont certaines normes ont pu être intériorisées par les sujets. Par exemple, je pense que c'est pas un exemple extrêmement singulier sur ça, mais dans les romans de Cameron Hurley, qui constitue une saga qui s'appelle Belle Dame Apocrypha, une des caractéristiques de l'une des sociétés qu'elle décrit, c'est que les femmes sont omniprésentes. En fait, tous les hommes... à partir de 16 ans, sont dans un front qui n'est jamais vraiment visité. Et donc la conséquence, c'est que toutes les tâches de la vie quotidienne sont assumées par des femmes, mais c'est présenté comme étant tout à fait naturel. Et la conséquence... Enfin, donc moi, quand j'ai commencé à lire ce roman, ce qui m'a marqué, c'est que à chaque fois... Donc, en plus, en anglais, on ne se rend pas toujours compte du genre de la personne si on la décrit seulement par sa fonction. Si on dit, par exemple, le barman ou... de bartender, et la conséquence, c'est que à chaque fois, il y avait un moment où on redécouvre, ou du moins je redécouvrais que non, en fait, ce personnage était une femme, et il faut un moment pour s'habituer au fait que tous les personnages sont des femmes, et qu'il est normal que tous les personnages soient des femmes. Donc ça interroge la façon dont ces normes ont pu être intériorisées, et aussi la question de savoir si en fait c'est nécessaire. Si ces normes sont nécessaires, s'il est naturel qu'il y ait de penser que certaines fonctions ne sont pas naturellement assumées par des femmes, par exemple. Et d'autre part, la construction d'un univers imaginaire au moyen de la science-fiction, un univers imaginaire qui est présenté comme réaliste, en un certain sens, on peut lire ça aussi comme une expérience de pensée qui va permettre d'explorer des ordres du monde alternatifs, et donc, en retour, d'interroger l'ordre du monde existant. Donc, la science-fiction, elle permettrait aussi de créer des sortes d'expériences, des mondes, des façons autres d'être dans le monde, et de voir ce qui se passe quand on change, on fait varier certains... certaines façons d'être au monde. Pour compléter donc cet effort de définition, j'aimerais maintenant parler assez rapidement de l'histoire de la science-fiction féministe. Et là encore, je suis vraiment l'intervention de Rich Calvin. En effet, une réponse qui est peut-être un peu abrupte à la question que je me posais sur La question de savoir si donc la science-fiction est propre au féminisme et en quoi elle l'est, ça pourrait être de répondre, eh bien en fait, la science-fiction a été féministe et elle a été utilisée de façon féministe dans son histoire. Et donc oui, évidemment, la science-fiction serait féministe. Autrement dit, ce serait un peu reprendre le titre d'un article, pardon, de Diane Cook qui donc réfléchit ainsi au féminisme dans l'histoire de la science-fiction et qui a intitulé Oui, Virginia, il y a toujours eu des femmes en science-fiction et des féministes même. Donc on identifie en général la science-fiction comme découlant de la conjonction de plusieurs traductions, les textes utopistes, le gothique et aussi bien sûr le genre du roman scientifique à la Jules Verne. Mais cependant, on identifie généralement Frankenstein de Mary Shelley, donc qui a été publié en 1918, comme l'œuvre séminale, la première œuvre de science-fiction en général, et parce qu'elle est, au moins parce qu'elle est écrite par une femme, on pourrait aussi être tenté d'y voir le point de départ de la science-fiction féministe. Donc on a pu soutenir, par exemple, qu'on trouve dans Frankenstein une critique de l'usurpation de la procréation par les hommes ou de la silenciation des femmes, mais pour autant, il est difficile de voir dans Frankenstein une œuvre féministe à proprement parler, ne serait-ce parce qu'on est un siècle avant, plusieurs décennies avant l'invention du terme, mais surtout parce que les personnages féminins n'y ont qu'un rôle qui est, ont un rôle dans ce roman qui est vraiment accessoire et secondaire, et elles sont là pour permettre les actions des hommes. Donc après elle, on trouve presque donc 60 ans plus tard, en 1881, un roman de Mary Bradley Lane qui s'intitule Misora et qui développe, donc c'est une utopie, une société dedans, il y a une société exclusivement féministe et utopique qui est développée, mais elle utilise ses avancées technologiques pour essayer de produire une race aryenne absolument pure. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce roman en fait était publié anonymement. Et en particulier en cachette de son mari, parce qu'elle ne souhaitait pas que son mari soit au courant qu'elle imaginait donc des sociétés exclusivement féminines. Et donc viennent ensuite donc la nouvelle de Rokeya Skavat Hossein, que je vous ai envoyée dans le mail. Et si je ne m'étale pas trop, on la lira un peu, on en lira des passages. Donc cette nouvelle, elle propose une utopie fondée sur l'inversion des rôles de genre. Et donc, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a été publiée, donc elle a été écrite donc en 1905 par une femme au Bengale, enfin dans la région de Calcutta, une femme musulmane et en anglais, par contre. Et ensuite, deux autres textes que l'on remarque, que l'on identifie dans ses précurseurs, en 1914 et 1915, Angel Island de Inez Hines Gilmore et Her Land de Charlotte Perkins Gilman. Donc, le point commun de ces premiers textes, c'est qu'ils cherchent à construire des sociétés utopistes en général, donc sauf Frankenstein, mais comme j'ai dit, c'est un peu aussi pas vraiment classable. Dans la même catégorie. Donc, construire des sociétés utopistes et se concentrer sur le novum de l'ordre social avec une forte portée subversive, puisqu'il s'agit non seulement de critiquer l'ordre social, mais aussi d'appeler au changement. Le second moment majeur de cette histoire, c'est un moment que Joanna Russ a appelé, pour elle, de façon péjorative, la période des Galactic Suburbia, enfin les Suburbia, vous savez, c'est les banlieues aisées des États-Unis. Et donc c'est un moment qui s'étend en gros des années 30 à la fin des années 50, avec un moment assez faible dans les années 40. En tout cas, il va avec l'émergence du médium, du magazine de science-fiction, qui publie des histoires courtes et qui tend à cette période-là à supplanter la forme du roman ou de la nouvelle plus longue. Et ça, c'est un autre aspect, je pense, vraiment intéressant de la science-fiction, c'est que c'est un genre qui est quand même situé dans, enfin, si on veut accepter ce genre de distinction, dans la catégorie des médias de masse, et de la, ou du moins de la littérature populaire. Donc on peut aussi y voir souvent une sorte de tentative de se réapproprier la science des élites. Enfin, donc les femmes, il y a des femmes qui écrivent et qui publient dans ces magazines de science-fiction. Et en fait, elles y trouvent une place parce qu'elles développent des récits en tant qu'on peut dire qu'elles sont des témoins privilégiés de la technologisation de la société. En particulier parce qu'elles sont, en tant que cette technologisation, modifie la sphère domestique. En fait, elles peuvent être, en un sens, considérées comme des scientifiques ou des expertes du foyer. Et ce sont des histoires qui sont souvent écrites du point de vue de la mère ou de la femme au foyer. Et elles ont tendance à examiner plutôt comment la science et la technologie influent sur la conditions féminines contemporaines. Donc il n'y a pas tellement de projection dans le futur. Donc c'est une science-fiction qu'on a plutôt envie de qualifier de féminine que de féministe. Mais on peut quand même soutenir qu'elle permet aux femmes de s'exprimer. Donc elle constitue l'expression d'un point de vue particulier. Et elles établissent aussi les bases de la participation féminine au domaine de la science-fiction. Je peux vous en retrouver. Vous avez de la peine à voir. En fait, c'est aussi, je crois que. Les auteurs que je connais. Bon, c'est des textes que je n'ai pas lus, mais je peux quand même vous dire, par exemple, des textes de Judith Merril, That Only a Mother, en 1948. Merril. Il y aurait aussi Anna Warren Griffiths. Warren Griffiths. Mais je pense que c'est aussi que dans la mesure où c'est surtout publié dans des magazines et que ce sont surtout des nouvelles courtes, etc., qu'il n'y a pas forcément vraiment eu de... Enfin, il y a des femmes qui ont écrit, mais c'est probable aussi qu'il y ait une certaine perte de la... Enfin, peut-être que vous lisez exactement ce genre de... Il ne rentre pas vraiment dans ce cadre. De cette période-là? Oui, ça fait partie des années 40. Mm-hmm. Vous pensez à qui? À Catherine Mort. Je pense à Laïm Raquel, qui a duré très longtemps, puisqu'elle a même participé au scénario de Star Wars. Oui. Oui, enfin, je vous dis vraiment, c'est pas du tout une période sur laquelle j'ai fait des lectures, donc je pense que évidemment. Enfin, d'accord. Où il y a des lacunes. Je ne pose pas plus des questions. D'accord. Je vais quand même poursuivre. Donc, comme ça, j'insiste sur le fait que vraiment, il n'y a pas tout. Le moment suivant qui est classiquement identifié, c'est celui qu'on appelle souvent le boom de la fin des années 60 au début des années 70. Donc, c'est vraiment un moment de production de science-fiction féministe extrêmement fort, et il se produit en fait dans un contexte qui est particulièrement propice, le contexte d'une plus grande diffusion des idées féministes, en particulier avec le féminisme de la deuxième vague, une attitude générale plus critique vis-à-vis de la science et de la technologie, parce que cette science et cette technologie n'ont pas réalisé les attentes, les espoirs que l'on avait qu'elles pourraient résoudre tous les problèmes sociaux. Ce qui donc amène à une conception plus critique, non seulement à l'égard de la science et de la technologie, mais aussi à l'égard de l'ordre social. Et il y a un moment entre 1969 et 1972 où le féminisme est même devenu dominant en science-fiction. C'est une période qui a été étudiée. Enfin, l'idée qu'à ce moment-là, ça a été particulièrement dominant, ça a été étudié par Hélène Méric dans un essai qui s'intitule, de façon je pense significative, The Secret Feminist Cabal. La cabale secrète féministe. Et donc, parmi les auteurs majeurs de cette période, on peut citer Monique Wittig, Marge Piercy, Margaret Atwood. Donc, il s'agit surtout d'interroger la place de la femme dans la société et de proposer de nouvelles organisations sociales, en particulier au moyen d'utopie et de dystopie. Ce boom constitue ensuite l'impulsion pour une grande diversification du domaine dans les années 80 et 90. Mais s'il fallait noter des caractéristiques communes malgré cette diversité, on peut identifier une forte influence du postmodernisme et du post-structuralisme. J'ai proposé le tournant des années 70 comme peut-être que je l'ai présenté à tort de façon comme si c'était une rupture, mais en fait, évidemment, tout se chevauche un peu quand même. Influence du postmodernisme avec sa déconstruction des catégories établies, et en particulier comme promouvant une conception du soi qui serait plus fluide et qui sortirait des binarités rigides. Et donc ici, c'est la figure du cyborg de Donna Haraway, dont on avait pu parler l'année dernière, qui est représentatif. Déconstruction des catégories établies, d'une part, et d'autre part, réflexion sur la façon dont le langage détermine notre perception de la réalité. Donc, par exemple, pour cet exemple d'un soi qui est d'une conception du soi comme étant plus fluide ou plus déconstruite, on peut penser au texte de Johanna Russ qui s'intitule The Female Man, qui a été assez mal traduit en français par L'autre moitié de l'homme. En fait, The Female Man, ce qu'elle veut dire, c'est l'humain féminin. Enfin, Et donc, dans ce texte, elle raconte l'histoire de trois femmes qui sont en fait différentes versions de la même femme à différents âges et qui viennent d'univers alternatifs où l'une d'entre elles serait Joanna Russ elle-même, donc dans sa propre histoire. Une autre elle s'appelle Janine Dadier. Elle vit dans une Amérique dans laquelle la Grande Dépression n'a jamais pris fin, ce qui a empêché le féminisme de se développer. Et la troisième s'appelle Jeannette, et elle vit dans un monde dans lequel 3000 ans, je crois, ou 300, enfin plusieurs siècles auparavant, l'ensemble des hommes ont été pas éradiqués, pardon, exterminés par la peste. De sorte que une société a dû se développer sans hommes. Et donc, il y a une certaine. En fait, c'est un roman qui est assez difficile à suivre parce qu'on passe beaucoup d'un point de vue à l'autre. Et ça, c'est quelque chose à quoi je reviendrai. C'est aussi difficile à lire parce qu'il y a une certaine absence de linéarité du récit où parfois on a du mal à comprendre comment les événements s'agence et à quel endroit on se situe. Et enfin, dernier temps, qui nous amène plutôt à l'époque contemporaine. En fait, de façon assez intrigante, je n'ai pas trouvé énormément de réflexions sur ce qui se passe dans les années 90. Pas de façon aussi développée que sur les autres périodes. Époque plus contemporaine, des textes qui sont plus marqués par l'intersectionnalité. Donc, ils vont interroger les rapports genre, orientation, sexualité, race. Donc, en particulier, les œuvres d'Octavia Butler, dont, pour citer un exemple qui n'est pas un de ses textes les plus classiques, dans le roman qui s'intitule Fledgling, elle parle d'un monde dans lequel existent des. En fait, c'est la Terre, mais il existe des vampires qui vivent. Et ces vampires vivent de façon ségrégée par genre. Et les communautés femelles se sont en fait impliquées dans des recherches en génétique, en particulier pour essayer de développer des individus à la peau plus sombre, qui soient plus résistants à la lumière du soleil, ce qui leur permettrait de plus vivre exclusivement la nuit. Et en fait, l'histoire suit le rejet de l'un de ces individus qui a été génétiquement modifié, qui en fait est noir, alors que l'ensemble des autres vampires sont extrêmement pâles. Ça interroge. Des questions non seulement de genre, de race. En fait, c'est. Par beaucoup sur le trop pour le racisme. Bien sûr, oui, enfin, c'est. Quand même, c'est un thème majeur. Donc j'ai déjà parlé du texte de Enedi Okorafor, et on peut aussi parler de Cameron Hurley, qui est un peu, enfin de mon point de vue, une grande auteure récente. Donc dans le texte dont je parlais tout à l'heure, avec la société exclusivement féminine où tous les hommes sont donc à la guerre, en fait c'est ça se passe donc dans une planète lointaine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la culture a l'air d'être une sorte de culture qui descend de. En fait, l'ensemble des sociétés sur cette planète descendent des religions du livre, et en particulier les deux sociétés qui se livrent combat autour de ce front sont deux interprétations du Coran. Enfin, c'est jamais explicitement dit que c'est le Coran, mais il y a tout le vocab... enfin, il y a un certain vocabulaire musulman. Un des enjeux en fait de l'opposition entre ces deux sociétés, c'est aussi le traitement des femmes et la position des femmes dans la société. Il y a une autre société sur cette même planète qui est plus imprégnée de judaïsme. Oui. Tipper ou Keeper? Keeper? Oui, mais ça c'est un peu moins. Plutôt, en fait, justement, les années 90, non? On parle de la même personne? Non, elle a commencé en 92 et elle Ok. écrit encore. Ok. Mais je pense que je vois. C'est celle qui, en fait, s'appelle Mary Sheldon, c'est ça? Non? Parce Moi, que. Vous voyez. Parce que. Enfin. je ne vois pas ce Vous voyez. que je ne sais pas c'est quel est son vrai nom. Non, c'est Tiptree, pardon, à laquelle je pense. Ah Non, non, excusez-moi. pas lui, Non. Ok. Sheldon. Oui. Non, je ne pensais pas du tout à lui. D'accord. Je continue? Oui. Donc, au terme de cette. Et donc, est-ce que vous diriez qu'elle. Qu'il, elle? J'ai mal compris le prénom. Sherry S. Tepper, qui a été traduite au début des années 2000, Est-ce que en vous diriez qu'elle partie. s'inscrit dans cette position Et intersectionnelle? dont un certain nombre de romans et certains noms traduits en particulier, dont un qui est particulièrement anti-islamiste, sont fortement. De toute manière, à peu près tous ces romans ont une composante féministe et certains la poussent très loin. Je ne suis pas sûre qu'on puisse pousser ça très loin. Enfin, trop loin. Il y enfin. a le, il y a, je sais plus quel titre en français, de The Door Country. Ah oui. Je vais parler de ça. The Gate to Women's Country. Oui. Voilà. Je vais parler d'elle, tout à fait. Ça viendra. Excusez-moi. Ok. Donc, au terme de cette chronologie rapide, il me semble qu'on peut quand même confirmer qu'il y a un potentiel féministe dans la science-fiction et que ce potentiel a été non seulement perçu, mais aussi saisi et développé par un nombre important d'auteurs. Et donc, j'en viens maintenant à mon deuxième axe de réponse, qui est un peu plus inachevé dans mes notes, mais donc, dans lequel j'aimerais réfléchir à certains motifs qui peuvent être utilisés en science-fiction féministe. En fait, je vais essayer d'organiser ces motifs autour de trois lignes de réflexion. La première, c'est la question du rapport entre la nature, dans le sens de la nature écologique, la terre, quoi, la nature et la science, ce qui pose aussi des questions sur le savoir. Deuxième thématique, le rapport entre la nature humaine et la culture, enfin la distinction nature-culture, mais au niveau de l'homme. Et la troisième question, le troisième thème, ce serait le rapport au langage et aussi au genre narratif, en fait, à la littérature, quoi. Ah oui, c'était là que je m'étais dit que ce serait bien de parler de. du texte du rêve de Sultana. Donc je ne sais pas si vous avez pu un peu le regarder. Sinon, je vais le résumer en lire des passages. Je pense qu'on peut prendre 10 minutes pour ça, parce que c'était un peu... oui. Oui. Donc, comme je ne le connais pas du tout, oui. Là, il va falloir que je le découvre. Très bien. Je pense que vous n'êtes pas le seul, donc ça va aller. Donc le texte commence donc ainsi. Un soir, je me prélassais dans un fauteuil dans ma chambre et je pensais avec langueur à la condition de la femme indienne. Je ne suis pas sûre si je me suis assoupie ou non, mais aussi loin que je me souvienne, j'étais bien éveillée. J'ai regardé le ciel éclairé par la seule lune, scintillant de centaines d'étoiles, celles des diamants et ce, très distinctement. Tout d'un coup, une femme se tenait devant moi. Comme elle est arrivée là, je n'en sais rien. Je l'ai prise pour mon amie, sœur Sarah. J'avais l'habitude de me promener avec sœur Sarah lorsque nous étions à Darjeeling. Maintes fois, nous avions marché main dans la main et parlé avec enthousiasme dans les jardins botaniques. Je me suis donc imaginée que sœur Sarah voulait probablement m'emmener dans un jardin similaire. J'ai volontiers accepté son offre et je suis sortie avec elle. Alors que nous marchions, je me suis rendu compte à ma grande surprise que c'était effectivement le matin, et plus le soir, comme lorsqu'elle s'était endormie. La ville était complètement éveillée et les rues bien vivantes par les foules animées. Je me suis alors sentie intimidée à me promener dans les rues en plein jour, mais il n'y avait aucun homme visible. Certaines des passantes ont alors fait des blagues à mon sujet. Même si je ne pouvais pas comprendre leur langue, j'étais sûre qu'elles plaisantaient. Je demandais à mon amie « Qu'est-ce qu'elles disent ?»« Ces femmes disent que tu as l'air très masculine », m'a-t-elle répondu. « Masculine », ai-je répété. « Qu'entendent-elles par masculine ?» Elle m'a alors expliqué. « Elles disent que tu es timide et craintive comme un homme. » Timide et craintive comme un homme, ce devait réellement être une blague. Puis je suis devenue très nerveuse lorsque j'ai réalisé que ma compagne de route n'était pas sœur Sarah, mais une étrangère. Oh, quelle idiote j'ai été de confondre cette femme avec ma chère vieille amie, sœur Sarah. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ? » m'a-t-elle demandé gentiment. « Je me sens quelque peu maladroite, lui ai-je répondu sur un ton d'excuse. Ayant l'habitude de la ségrégation, je ne suis pas accoutumée à marcher en public. » Tu n'as pas à avoir peur de tomber sur un homme ici. C'est Ladyland, donc la terre des dames, on pourrait dire. Dépourvue du péché et du mal, la vertu elle-même règne ici. Bientôt, j'appréciais le paysage. C'était vraiment magnifique. Je pris à tort un carré d'herbe verte pour un coussin de velours. J'avais l'impression de marcher sur un tapis doux. J'ai regardé le sol et j'ai découvert un chemin couvert de mousse et de fleurs. Qu'est-ce que c'est joli, ai-je dit. Est-ce que tu aimes ? M'a demandé sœur Sarah. Oui, enfin, je continuais à l'appeler sœur Sarah et elle continuait de m'appeler par mon nom. Oui, beaucoup, mais je n'aime pas marcher sur les délicates et douces fleurs. Ne t'inquiète pas, chère Sultana. Tes pas ne les blesseront pas, ce sont des fleurs des rues. Tout l'endroit ressemble à un jardin, dis-je avec admiration. Tu as arrangé chaque plante avec tant d'habileté. Votre Calcutta, répondit sœur Sarah, pourrait devenir un bien plus beau jardin si vos compatriotes l'avaient voulu. Ils penseraient, dis-je, que cela serait sans intérêt de donner tant d'attention à l'horticulture alors qu'ils ont tant d'autres choses à faire. Ils ne pourraient pas trouver de meilleure excuse, m'a-t-elle dit avec un sourire. Donc premier motif, donc je vais développer tous ces motifs, mais ce rapport, cette idée que dans une utopie féminine, et féministe, il y a un autre rapport à la nature et un rapport qui est vraiment de l'ordre de l'écologie, du soin de la nature et plus de l'appropriation de la nature. Finalement, le but, c'est de faire de la nature, de l'environnement un magnifique jardin. C'est assez représentatif. Donc je lui demandais où sont les hommes ? À une place convenable, là où ils doivent être. « S'il te plaît, dis-moi ce que tu entends par une place convenable. »« Oh, je vois mon erreur. Tu ne peux pas comprendre nos coutumes comme tu n'es jamais venu ici avant. »« Nous enfermons nos hommes dans les maisons. »« Tout comme nous sommes enfermés dans les énanas. » Donc les énanas, c'est un peu l'équivalent des gynécées, mais c'est des zones dans lesquelles les femmes vivent recluses. Donc les hommes sont enfermés comme elles chez elles, dans des énanas. Comme c'est amusant, dis-je dans un éclat de rire. Mais, chère Sultana, il est tellement injuste d'enfermer les femmes inoffensives et de laisser les hommes libres. Pourquoi, répondis-je, l'extérieur n'est pas sûr pour nous qui sommes naturellement faibles. Oui, ce n'est pas sûr tant qu'il y a des hommes dans les rues, tout autant que lorsqu'il y a un animal sauvage sur la place du marché. Maintenant, donc elle continue, suppose que des démons s'échappent d'un asile et commencent à commettre toutes sortes de crimes à l'encontre des hommes, des chevaux et d'autres créatures. Dans ce cas, que feraient tes compatriotes? Ils essaieraient de les capturer et de les remettre dans leur asile. Merci. Et vous ne pensez pas qu'il est sage de garder les esprits saints dans les asiles et de laisser les démons libres, n'est-ce pas? Bien sûr que non, dis-je en riant légèrement. En fait, dans ton pays, c'est ce qui se passe. Les hommes qui commettent des crimes sans fin, ou du moins qui en sont capables, sont laissés libres et les femmes innocentes sont enfermées dans le Zenana. Comment peux-tu laisser, donc là c'est pas très bien traduit dans le passage, comment peux-tu laisser ces hommes mal domestiqués, untrained, à l'extérieur? Donc je saute un peu. Donc elle discute et en fait elle s'inquiète de qui s'assure des activités économiques et sociales si tous les hommes sont enfermés. La réponse, c'est qu'en fait, les femmes sont bien moins paresseuses que les hommes. Elles ne passent pas leur journée à fumer des cigares et elles ont fini de travailler en 2 heures par jour. Et ensuite, elles font de la broderie. Enfin, tout est vraiment très bien. Donc j'en arrive à en fait la façon dont... donc à un moment, elles sont dans une cuisine et la cuisine est, comment dire, l'énergie utilisée, c'est l'énergie solaire. En fait, tout le, donc le, c'est le second moment important, intéressant du texte. Donc la question de comment est-ce que cette société en est venue à exister. Et donc ce qui s'est passé, donc c'est que la reine actuelle a hérité du trône. Et notre bonne reine, donc maintenant je lis de nouveau, appréciait beaucoup la science. Elle a décrété une loi qui ordonnait que toutes les femmes du pays soient éduquées. Par conséquent, un certain nombre d'écoles de filles ont été fondées et soutenues par le gouvernement. L'éducation a alors été répandue un peu partout parmi les femmes. Et le mariage précoce a été interdit. Donc dans la capitale où vivait notre reine, il y avait 2 universités. Donc dans lesquelles les hommes n'étaient pas admis. L'une d'entre elles a inventé un merveilleux ballon auquel on a attaché de nombreux tuyaux. Donc c'est un ballon qui en fait permet de prendre l'humidité dans l'air et de créer des réserves d'eau et donc de contrôler le climat, d'empêcher la famine, de réguler l'agriculture. La conséquence, c'est que l'autre université était jalouse de cette découverte remarquable. Et donc, elles ont décidé de rivaliser d'ingéniosité et elles inventent un instrument avec lequel elles peuvent collecter la chaleur du soleil et la stocker afin de la redistribuer lorsque ce serait nécessaire. Donc, pendant ce temps-là, les hommes étaient occupés à faire la guerre, en fait. À augmenter leur pouvoir militaire, et ils appelaient les découvertes des femmes, je cite, un cauchemar sentimental. Jusqu'au moment où, on va essayer de revenir, donc ce qui se passe, c'est que le roi voisin déclare la guerre à la reine, parce qu'elle a accueilli des réfugiés, et donc tous les hommes partent faire la guerre. Ils perdent, enfin des hommes ils perdent, et donc les femmes leur disent très bien, allez vous reposer dans les maisons, et c'est en fait c'est ainsi qu'ils sont enfermés. Ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent leur appareil à énergie solaire pour qu'elles dirigent sur l'armée adverse pour augmenter la chaleur et éblouir les hommes qui donc s'enfuient. En plus du. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de violence et donc par la suite les hommes sont simplement enfermés et ils essayent de convaincre les femmes de les laisser sortir mais elles demeurent insensibles à leur requête. Donc je vais arrêter cette incursion. Enfin, en fait, j'aime beaucoup ce texte. Enfin, je ne sais pas si ça vous a plu. Ok. Donc, Ce qu'on voit dans ce texte qui est vraiment intéressant, donc c'est cette, donc c'est ce renversement des rôles. Cette idée, on va en reparler ce qu'on a pu appeler un paradigme séparatiste, l'idée qu'il faut de la séparation entre les hommes et les femmes dans la construction de l'utopie. Aussi, une certaine essentialisation des valeurs masculines et féminines, en particulier la propensité des hommes à la violence et la façon de faire face à cette violence. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, un rapport à la nature qui est beaucoup plus intime. Enfin, pas intime, mais respectueux. Oui, comment? Oui, absolument. Oui, en fait, c'est un des aspects. Il y a une certaine difficulté. Enfin, ce qui se passe souvent dans la science-fiction, c'est que dans ces réflexions sur la science, c'est qu'il y a à la fois une critique de la science et de la technologie telle qu'elle est utilisée par les hommes, mais en même temps un rapport ambigu de ce que ce serait qu'une science féminine ou féministe. Parce que. En fait, je vais en parler en détail bientôt. Donc, il y a un certain ensemble de motifs dans les romans qu'on peut lire, dont l'enjeu est la façon dont l'homme se rapporte à la nature au moyen de la science et de la technique. Et en particulier, donc voilà, il y a une interrogation de la dimension genrée de ce rapport, avec l'idée que la science et la technologie masculine sont à la source d'un rapport destructeur avec la nature, centré autour de la guerre, soit militaire, soit économique, ou de la possession ou de l'utilisation effrénée de cette nature. Ça renvoie au fait à ce motif assez fréquent du monde post-apocalyptique dans lequel la nature a été détruite ou est en crise. Et donc voilà, en revanche, il y a un rapport, une certaine ambiguïté du rapport féminin, puisque la science, c'est à la fois ce qui permet une certaine émancipation de la femme, puisque il peut y avoir par exemple des robots qui effectuent l'ensemble du travail domestique, ou ne serait-ce ou parce que parfois des exigences de survie plus des conditions de vie plus difficiles rendent trop luxueux le fait que les femmes restent à la maison à faire le ménage. Et aussi émancipation par rapport à la reproduction, enfin par rapport à la question de la reproduction utérine, hétérosexuelle, voire même la possibilité de se passer de la présence ou de la contribution masculine. Donc il y a cette. Enfin, on peut interroger si c'est de l'émancipation. Enfin, j'ai pas discuté du fait que. Je pense que j'ai pas besoin de répondre à la question de si même le texte que je viens de lire est du sexisme inversé. Je pense que. Ok. Ambiguïté, d'une part parce que la science comme permettant certaines émancipations, mais aussi parce que la science, c'est quand même ce qui a causé ces crises environnementales, c'est aussi ce qui permet un contrôle plus grand des populations, des hommes, et ce qui participe, voilà, d'une certaine attitude par rapport à la nature. Donc la question, c'est de savoir comment penser une science féminine qui soit à la fois au service des femmes et respectueuse de la nature. Et souvent, en fait, ces pensées dans la science-fiction féministe, ce respect va jusqu'à certaines formes de mysticisme ou de biologie magique. En fait, c'est assez caractéristique dans ces paradigmes séparatistes, dans ces séparations, que les hommes soient détenteurs d'une science qui soit électrique, métallique, etc., alors que les femmes soient plutôt des compétences biologiques, de contrôle du vivant, etc., qui des fois en fait vont jusqu'à la magie ou à un certain mysticisme. Donc, par exemple, il y a un roman qui s'intitule A Door into Ocean de Joan Slonczewski, Slonczewski, dans lequel un monde utopique féminin, donc une planète, est perturbée par l'irruption masculine. Et donc là, il y a ces femmes, en fait, Donc là encore, c'est à la suite d'une catastrophe nucléaire qui a éliminé l'ensemble des hommes. Donc ces femmes qui s'appellent des sharers, en fait, j'ai envie de dire des communistes, en tout cas des partages. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Des partageuses. Elles vivent dans des radeaux sur la mer. Et ces radeaux sont des sortes de bibliothèques ambulantes. Et elles ont développé voilà, un savoir extrêmement. Enfin, de la biologie aquatique extrêmement développée. Et elles sont capables de. Elles ont des capacités de soins particulièrement développées. Et donc, cette utopie féminine est perturbée par l'irruption masculine d'une sorte d'empire multiplanétaire qui arrive avec ses technologies faites de métal, électricité, etc. et qui en fait cherche à coloniser économiquement la planète en mettant en place une sorte d'échange, enfin d'import, de situation d'import-export où ils prennent les ressources naturelles et vendent en retour des produits manufacturés. En fait, il y a vraiment le thème sous-jacent, c'est la question aussi oui, non, pas juste, pardon, pas juste de la colonisation, mais de la colonisation américaine des natives, voilà, oui. Oui, donc là on voit vraiment, finalement il y a un peu, c'est quelque chose à quoi je vais arriver, on peut critiquer un certain essentialisme en fait. Enfin, il y a un certain risque, il y a un risque de l'essentialisme dans ces réflexions. Là par exemple, il y a une sorte quand même de construction on peut se demander s'il n'y a pas la construction d'une certaine mystique féminine avec cette idée voilà, de la science féminine, aquatique, soignante, enfin, toutes ces choses-là. Deuxième texte qui je pense enfin montre un peu aussi cette question enfin qui est un bon exemple, c'est Hishi and It de Marge Piercy. Dans ce monde, en fait, il est intéressant sur deux aspects. Donc c'est un univers, donc c'est en fait c'est la Terre, mais encore enfin. Un terroriste a fait exploser une bombe nucléaire en Palestine, ce qui a mis le feu à l'ensemble des réserves de pétrole de la région et a donc non seulement perturbé, enfin mis fin à tout l'écosystème de la planète, de la Terre, mais aussi a créé une sorte de diaspora. Et en fait, l'humanité vit dans trois types de zones, soit sous des grands dômes qui s'appellent des enclaves, des corporate enclaves, enfin, qui sont gérées par des multinationales, dans lesquelles les individus doivent se plier à la culture de l'entreprise. Et il y a un rapport. Donc, c'est une vie qui est absolument cadrée, protégée, donc sous verre, en fait. Et un rapport au corps naturel extrêmement méfiant, donc avec enfin, beaucoup de modifications du corps, de la procréation, enfin, c'est mal vu d'accoucher, et en même temps beaucoup de femmes sont infertiles, donc c'est enfin, c'est un rapport. Donc voilà, donc ça c'est le premier type de résidence. Le second type de résidence, c'est des sortes de villes franches qui réussissent à. Qui ont l'air d'être en fait des zones de communauté juive. Parce que parce que les multinationales n'acceptent pas la religion juive comme enfin en leur sein. En fait, je suis pas sûre de si c'est l'ensemble ou enfin, en tout cas le roman est centré sur une de ces villes franches qui est juive. Et donc le troisième type d'existence, c'est ce qu'ils appellent le glop, et c'est le reste de l'humanité qui vit sans protection ni des multinationales ni des enclaves. Et en fait, les enclaves sont un peu, enfin, c'est pas dit clairement comme ça, mais elles sont finalement quand même présentées comme des sortes de utopies d'un nouveau rapport à la nature. Et il y a quand même une certaine idée que, enfin, il y a certaines valeurs féminines qui sont développées et des femmes sont assez importantes dans ces sociétés. Tout le monde mange en commun dans une salle commune. Il y a une mise en commun comme ça des moyens de production de surveillance. Je m'étale. Donc je reviens à ce qui est important. Dans ce texte, le premier point qui est intéressant, c'est que en fait, dans une de ces villes franches, un scientifique va créer un cyborg. Et en fait, l'ensemble du ro le roman alterne entre des récits, des événements qui se passent dans cette ville franche et la création de ce cyborg, à qui il s'agit d'essayer d'apprendre à être une personne. Et d'autre part, des récits de Prague en 1600 avec le mythe de la création du golem. Donc en fait, il y a un parallèle qui est établi entre le golem. Oui. Oui, absolument. Donc il y a un parallèle qui est établi entre le cyborg entre le golem et le cyborg, qui sert aussi à mettre enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le golem et le cyborg sont fabriqués par des hommes, et à chaque fois, ils ont un rapport extrêmement conflictuel avec la figure paternelle. Et aussi que ce golem et ce cyborg se socialisent grâce à des femmes. En fait, le personnage principal dans Hitchhiker, on lui donne pour tâche de passer beaucoup de temps avec le cyborg pour lui apprendre à être pour lui apprendre à se comporter comme personne. En fait, ça devient, enfin, cette question de la personhood, de la personne. Bon, vous voyez ce que je veux dire, du cyborg, c'est vraiment ce qui est central. Il y a toutes sortes de débats et de conversations répétées sur est-ce que le cyborg est une personne et il s'affirme de plus en plus comme personne jusqu'à devenir son partenaire sexuel et son amant. On peut un peu discuter le besoin de la sexualité. En fait, ça, c'est une question du rapport entre la nature et la science. Entre la procréation et la création scientifique, et aussi de la façon dont de ce qu'on considère comme étant les limites de la personne humaine. Et le second thème qui est intéressant, c'est que dans ce roman, il y a en fait une technologie de l'Internet qui est développée où les individus peuvent se transférer dans un réseau. Internet et donc créer toutes sortes d'univers, mais aussi se livrer à des actes de piratage industriel et de résistance, etc. Et en fait, ces technologies, ces cyber-technologies, elles sont peut-être aussi une façon de réfléchir à des bienfaits pour les femmes, puisque finalement, enfin, à certains bienfaits, parce que dans ces mondes de l'esprit, les limites du corps humain qui vieillit sont levées finalement. Perdu la suite. Excusez-moi. Ah oui, c'est là. Oui, et le parallèle avec toute cette réflexion sur le golem et donc le texte de la Kabbale, c'est aussi une façon de mettre en question la science. Enfin, il y a une façon un peu de saper le discours scientifique par un discours mystique, par le discours d'autres types de savoir et qui seraient à la fois peut-être plus profonds, qui auraient une meilleure compréhension de la réalité. Mais aussi qui irait avec une meilleure compréhension des rapports sociaux. Il y a des moments quand même un peu agaçants dans ce roman avec cette idée que voilà, les femmes sont les détentrices du savoir émotionnel, de l'enseignement émotionnel, etc. Troisième motif de ces textes de science-fiction féministe, j'en ai un peu déjà parlé, c'est la question de l'autre en tant que l'autre. Permet d'explorer la notion de personne et d'humain. Avec l'autre tel qu'il est présenté dans la science-fiction, il interroge les limites entre de la personne par rapport à l'animal et à la machine. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que l'alien, ça peut être une personne non humaine, mais ça peut aussi être un humain non terrestre. Et en fait, il y a un enjeu qui est politique dans cette question de l'alien, parce que finalement, l'alien en science-fiction, il est littéralement l'autre de l'humain, mais il sert aussi comme métaphore de l'autre historique, de l'autre dans la réalité, dans notre réalité, donc l'autre racial, culturel, genré, etc. Donc c'est une question vraiment, c'est l'autre politique, et ça s'inscrit, enfin on peut voir que ça, que c'est une réflexion qui s'inscrit dans une longue tradition sur les questions de quelles sont les conditions pour pouvoir être une personne, qu'on peut, enfin, on peut penser à la conférence de Valladolid pour savoir si les Indiens ont une âme, la question de la femme pendant les Lumières qui se demandait si les femmes étaient des personnes, et qui n'est pas encore entièrement achevée puisque dans toutes sortes de... j'ai envie de dire de phobie contemporaine, il y a quand même aussi une remise en question de si l'autre est vraiment une personne, enfin il y a une mise en doute de ça. Et en fait, il me semble qu'un des motifs de la science-fiction féministe par rapport à cette alien, c'est d'essayer d'étendre la notion de personne, d'essayer de remettre en question ses limites pour montrer que peut-être que si on accepte que l'autre extraterrien ou non-humain puisse être une personne, eh bien, ça conduit à réinterroger en retour certaines tentatives de refuser que des autres, enfin, d'autres humains soient des personnes. Donc finalement, ce qu'il s'agit de faire, c'est de, à travers l'autre de l'alien, parler de notre autre, les autres au sein de la société. Donc il me semble que la science-fiction féministe, la science-fiction en particulier féministe, permet d'interroger des catégories épistémologique du vivant, en les déplaçant et en montrant que ces catégories, en particulier les catégories d'espèces, d'humains, de machines, de personnes et de genre, ne vont pas de soi. Je pense que un autre texte qui est intéressant pour, voilà, pour la façon dont on peut interroger ces façons de penser, de connaître le vivant, c'est des nouvelles qui sont tirées de Birthday of the World de Ursula Le Guin. Donc, en particulier, deux nouvelles qui s'intitulent Unchosen Love et l'autre, c'est quelque chose sur la montagne. Mais je ne sais plus exactement le. Enfin, bon, il y a deux nouvelles dans ce recueil. Donc, en fait, c'est un recueil dans lequel. Enfin, elle examine un univers qui s'appelle l'univers des Hain. Et il y a plusieurs mondes dans cet univers. Et un de ces mondes, c'est la planète O. Et en fait, ces nouvelles sont présentées comme des récits anthropologiques. Donc là, il y a plus tellement cet effort de réalisme. Donc on raconte comment d'autres vivent. Mais aussi, les récits sont présentés comme des scènes de vie, finalement. Un peu comme si on racontait ce qui se passe dans des provinces étrangères ou dans des campagnes. Enfin, et en fait, l'objectif, je pense, c'est de. Enfin, donc la particularité sur cette planète, c'est la façon dont l'humain est compris. Donc l'humain est la première catégorie fondamentale pour distinguer les humains, c'est le jour et le matin et le soir. Donc les êtres humains sont divisés en matin et soir. On est matin si notre mère était matin et on est soir si notre mère et soir. Et en fait, cette catégorie, c'est enfin, c'est une structure qui détermine ce que c'est que l'inceste. L'inceste, c'est de coucher avec quelqu'un de la même catégorie, du matin ou du soir. Enfin, et la structure matrimoniale dans cette société s'appelle le sedoretu. Et en fait, ce sont des mariages à quatre personnes où il faut qu'il y ait un homme et une femme du matin, un homme et une femme du soir. Mais évidemment, puisqu'il y a un interdit de l'inceste, en fait, c'est une relation à quatre où l'une des connexions entre les points n'est pas sexuelle, mais simplement, enfin, de l'ordre du. Donc, ça interroge aussi la question de savoir si la sexualité et un. Enfin, si sexualité et mariage sont absolument identiques. Donc il y a deux unions hétérosexuelles et deux unions homosexuelles au sein de ce couple à quatre, disons. Et en fait, la façon dont cette structure est présentée, c'est le narrateur insiste sur la normalité pour ces personnes de leur organisation, ou plutôt en fait en retour, il y a un certain nombre de remarques qui insistent sur l'absence générale de normalité. Donc, le narrateur dit par exemple, oui, cela vous semble très compliqué, mais après tout, y a-t-il des mariages qui soient simples? Enfin, donc c'est. Mais en même temps, il y a cette organisation qui aurait peut-être pu sembler utopiste ou merveilleuse. En fait, les récits visent un peu à remettre en doute la naturalité de ces structures. En fait, dans les récits, on voit des résistances individuelles à s'adapter, à se conformer à ces normes. Et je pense que ce que ça a pour effet, c'est pas de critiquer cette structure normative-là, mais de montrer que ce qui est critiquable, c'est la structure normative en général. Ce qui se passe, c'est que l'existence de structures normées qui catégorisent de façon relativement arbitraire les individus, eh bien, elles rencontrent toujours des résistances individuelles parce qu'elles ne peuvent pas correspondre à la diversité du réel. Ok. Oui. Le titre? Oui. Ça, c'était... Donc c'est Birthday of the World, c'est le nom du recueil. Et au sein de ce recueil, le titre des nouvelles, c'est... Donc Unchosen Love, c'est le premier. Et le second, c'est Mountain Ways. Oui. Ce sont des nouvelles toutes écrites par personne. Oui. C'est très possible, mais j'ai une forte tendance à lire en anglais directement. Désolée. Oui, enfin, non, mais si quelqu'un connaît le titre des traductions, je pense que c'est relativement facile de trouver. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, il me reste, disons, une vingtaine de minutes. En fait, ça va assez bien parce que... Donc, ça, c'était la deuxième... Où est-ce que j'en suis ? Oui, donc, j'étais dans cette question du rapport science et nature. Et enfin, ce dernier exemple, il me permet de faire la transition vers une seconde thématique, la question du rapport nature et culture, donc nature humaine et culture humaine, qui, en fait, vise généralement... dans ces textes de science-fiction féministe, a démontré le caractère fondamentalement politique de l'humain, du personnel, donc à remettre en question l'idée qu'il y ait quelque chose de naturel dans le comportement humain. Et donc, on peut dire que cette interrogation épistémologique du rapport entre nature et science, elle va avec une interrogation politique des partages qui sont faits entre nature humaine et culture. On souligne en fait que la science-fiction, en produisant d'autres rapports humains, d'autres univers, d'autres organisations sociales, elle interroge le fait que celles qui existent soient les plus adaptées à la nature humaine. Et en fait, elle révèle que l'humain est politique, qu'il est construit par la société, et que ce qui lui semble naturel et normal découle en fait de son contexte. De son contexte, et là, ça peut être des lois de la nature qui correspondent à son univers, c'est l'ensemble donc, de son environnement et les normes sociales en place. Donc ça amène à mettre en place un discours que je pense qu'on peut qualifier de politique, avec le motif de sociétés qui sont organisées différemment, selon d'autres tabous fondateurs, d'autres systèmes politiques, d'autres répartitions du pouvoir. Et donc il y a deux figures majeures. La première, c'est la figure de la dystopie, donc qui présente un futur effrayant, non désirable, déformé, et qui sert souvent qui peut aussi servir de miroir agrandissant, finalement en accentuant Enfin, il y aurait une certaine façon d'accentuer certaines structures, de déplacer et d'accentuer des rapports de domination pour mieux nous faire prendre conscience de ce qui existe chez nous. Et je pense que c'est en particulier ce qui est assez bien fait dans le comic. Donc, je vous ai envoyé quelques planches avec le mail, donc, qui s'intitule Beach Planet. Je vais le faire passer, si, enfin aussi si vous voulez. En fait, déjà, quand on voit, donc c'est un comic qui reprend les codes du comic des années 50-60. Et donc, il y a un peu cet aspect, c'est un peu comme si c'était un comic qui avait été écrit dans l'univers dont il est question, et pas un comic écrit maintenant pour parler de cet univers-là. Et donc, il y a tout un jeu vraiment de créer un magazine avec des encarts publicitaires. Il y a même des. Enfin, dans ces encarts publicitaires, il est possible de. Il y a une adresse à laquelle il est possible d'envoyer 7 $ et en échange. Enfin, à la période à laquelle les magazines ont été publiés, on recevait en retour un poster. Enfin, donc, il y avait vraiment. Voilà, une façon de le présenter comme un objet, quoi. Enfin, tiré de cette période. Mais en fait, en même temps, on ne peut pas aller jusque-là, parce que même quand on regarde les pages de publicité, en fait, on se rend compte que donc ces pages de publicité, elles proposent par exemple un merveilleux parasite intestinal qui permet de perdre tout son poids. Donc, nous garantissons que vous perdrez votre équilibre, votre énergie, votre joie de vivre, votre désir, votre volonté à vivre. Cessez d'être si grosse et si grosse, espèce de sel grosse. Enfin, donc voilà, donc il y a vraiment une sorte d'exagération des publicités destinées aux femmes, avec le culte, voilà, un certain culte de la beauté, de la non, de la soumission, de la docilité, etc. Mais en fait, en même temps, donc dans cette même publicité, quand on continue à lire le texte, on se rend compte qu'il y a déjà des critiques, enfin, en fait, il y a déjà des critiques féministes à l'intérieur. Donc après ce titre, il y a écrit en dessous, ou peut-être essayer de ne pas laisser les standards de beauté et de féminité d'autres personnes. Ou votre valeur en tant qu'être humain. Pardon, essayez de ne pas laisser les standards d'autres personnes dicter votre valeur en tant qu'être humain. Si une quelconque part, si jamais une partie de vous a été jalouse des anorexiques ou a envisagé d'utiliser des injections d'hormones extramédicales ou des parasites, ou utiliser la haine du corps comme moyen de créer des liens avec des amis, filles. Vous avez été embrigadé. Il est presque impossible de ne pas le faire, mais peut-être aujourd'hui, essayez de ne pas croire que votre valeur est liée inextricablement à. C'est de traduire. Enfin, je pense que je vais pas. L'évaluation de votre désirabilité par un connard. Je pense que c'est le bon terme. Try not to believe that your value is inextricably linked to some asshat's assessment of your desirability. Fuck that dude. Fuck that culture. Donc quand même comment dire, l'illusion. En fait, il semblerait que c'est plutôt un comique issu par une sorte de résistance féministe au sein de cette société. Donc, nous sommes dans les années 50 et les femmes qui sont non-compliant sont envoyées sur une sorte de satellite qui est appelé le Auxiliary Outpost. Compliance, Auxiliary Compliance Outpost, dans lequel les femmes sont toutes tatouées avec un NC et Voilà, enfin, en gros, c'est un peu... Ah bon, après, il y a une histoire de... J'avais une liste des raisons qui entraînent qu'on soit envoyé donc sur, sur ce satellite. Insubordination, agression physique, offense esthétique, défiguration capillaire, obésité démesurée, séduction et déception, manipulation émotionnelle, déshonneur patrilinéaire, erreur génétique, erreur génétique, trisomie 21, manque de respect, mauvaise mère, addiction, abstinence conjugale, développement et distribution de propagande de genre, cyber-infidélité, criminal literacy, donc le fait de devenir cultivé de façon criminelle, meurtre fœtal, obésité, enfin, obésité revenait beaucoup. Donc voilà, donc on voit bien que c'est... ces critiques de la femme ne sont pas extrêmement éloignées de messages que l'on pourrait entendre dans, de nos jours. La façon de les présenter comme ça, de façon exagérée, ça sert à les rendre plus palpables et plus clairs. Le premier motif, c'est la dystopie. Le second motif, c'est l'utopie. Donc, qui évoque ou qui explore la possibilité de la fin ou de l'absence d'oppression, ainsi que les moyens de la réaliser. Cependant, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que ces utopies féministes sont rarement des véritables plans d'action, en particulier parce qu'elles commencent généralement par une catastrophe ultérieure. Donc on ne peut pas vraiment envisager créer une guerre nucléaire ou une peste. Et en fait, souvent, on peut se demander s'il n'y a pas plutôt des nuances qu'on pourrait qualifier d'anti-utopiennes, finalement, il y a toujours une sorte de critique, d'interrogation d'interrogation de ce que ce serait qu'un univers parfait, et en particulier des moyens possibles pour y arriver. Donc, par exemple, le texte dont vous parliez tout à l'heure, The Gate to Women's Country. C'est peut-être un peu complexe pour résumer, mais en somme, la société est ségrégée et en fait, les femmes ont encore une fois cette science, ces capacités, cette science plus féminine, ce qu'on pourrait dire, et les hommes sont des guerriers. Et donc en fait, les hommes vivent à proximité des villages des femmes et sont chargés de servir de garnison. Les hommes et les femmes n'interagissent que deux fois par an lors de festivals de procréation, de carnaval de procréation. Les enfants hommes qui naissent de ces unions à leur puberté, ils choisissent s'ils veulent vivre avec les femmes ou avec les hommes. Et en fait, dans ces communautés de femmes, il y a des hommes qui sont au début présentés comme plus ou moins des eunuques ou des serviteurs. Mais en fait, ce qu'on comprend au fur et à mesure de la lecture du roman, c'est que en fait, ce que ces femmes font, c'est qu'elles essayent d'éradiquer la violence masculine. Et parce que progressivement... les hommes qui sont considérés comme pouvant vivre au sein des communautés féminines sont conservés, alors que les hommes qui sont violents, peu à peu s'éliminent, mais elles entretiennent une sorte de... En fait, elles ont créé une religion chez eux qui les fait croire qu'ils sont supérieurs, pour qu'ils ne se posent pas des questions et pensent que tout va bien et ne s'aperçoivent pas de leur propre disparition. Puisque tous les enfants sont supposés venir... Voilà. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que les femmes utilisent de la violence. Enfin, on peut dire qu'il y a un certain type de violence à l'égard des hommes. Par exemple, quand certains secrets qui risqueraient de mettre en danger l'entreprise sont découverts, elles tuent des hommes. Donc, on peut se demander utopie de non-violence est vraiment en train d'être accomplie par leurs moyens. Donc, il y a une question de quels sont les moyens pour arriver à ces utopies, est-ce que ces moyens sont eux-mêmes, correspondent aux valeurs, etc. Ok, en deux phrases, parce que c'est amusant. Enfin, un autre risque de ces utopies, ou une autre... Enfin, pour dire que c'est pas simplement le fait qu'il y ait des utopies parfaites qui déterminent que c'est féministe, c'est qu'il y a aussi eu des récupérations anti-féministes de sociétés donc qui sont plus vraiment utopiques, en fait, où les hommes et les femmes sont séparés, où les femmes ont le pouvoir. Par exemple, il y a un texte de... Cooper, qui s'intitule « The Feminists », où les femmes ont pris le pouvoir et, scandale ultime, il est nécessaire d'avoir un permis pour pouvoir... les hommes ont besoin d'un permis pour pouvoir avoir des relations hétérosexuelles avec une femme, un permis administratif indépendamment de la... Et donc c'est ça, c'est le scandale, l'interdiction de l'accès au corps de la femme. Mais en fait, de féministe, c'est vraiment... au terme, il y a la chute du pouvoir féminin grâce au rapport hétérosexuel. Enfin, bon. Donc ça, c'est vraiment un texte anti-féministe, enfin, une utilisation de... Pour dire qu'il ne faut pas aller dans l'extrême opposé, que c'est aussi mauvais que... Je pense que ce texte... ce texte-là n'est pas... il est vraiment écrit d'un point de vue anti-féministe et pas d'un point de vue critique des utopies. Il y a aussi Roy Sovangis de Marocille Rodley sur le même ton. Mm-hmm. Peut-être. Je vous avoue que je ne connais pas ce texte. Mm-hmm. Le texte où elle est apparue comme anti-féministe, alors pour la traiter de féministe. Je ne pense pas qu'on puisse traiter quelqu'un de féministe. Il suffit pas d'avoir les apparences du pouvoir féminin pour qu'il y ait féminisme. Et d'ailleurs, il y a une certaine critique où il peut y avoir on peut interpréter de façon critique ces textes féministes qui présentent comme utopie, comme des utopies. Ces modèles. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un paradigme séparatiste, cette idée de séparer les hommes et les femmes comme étant la solution pour sauver la civilisation. Et ce paradigme séparatiste, bien sûr, il permet aussi de présenter certaines valeurs fortes de solidarité féminine. Souvent, ces sociétés sont d'ailleurs communistes ou socialisent le travail, etc. Mais il y a aussi vraiment quand même un risque de l'essentialisation, en particulier avec cette réflexion sur la source de la violence comme étant presque exclusivement masculine. Souvent, ces paradigmes, ils entraînent soit à l'institution finalement d'autres formes d'oppression qu'on voudrait aussi vouloir critiquer, Et il pose certains problèmes quand on essaye de penser comment réconcilier après la séparation Je suis un peu vague parce qu'il faudrait que je finisse. En tout cas, je pense que par moments, il y a certaines façons d'essentialiser ce qui est féminin, ce qui serait merveilleux. Enfin, il y a un passage dans... Dans le Hishi-It dont je parlais, où le cyborg et le personnage principal font l'amour ensemble, et le cyborg dit « Moi, j'ai vraiment besoin du contact pour ressentir de l'humanité. » Et là, le personnage féminin lui répond « En ça, tu es vraiment comme une femme. Enfin, » Donc des fois, il y a quand même des moments où on veut interroger vraiment la portée féministe de certaines présentations. Il me reste deux choses à dire, je pense. Le troisième thème dont je voulais parler, c'était le rapport de la science-fiction au langage et à la littéralité. En particulier parce que, surtout dans une critique post-structuraliste ou post-moderniste, il y a eu cette question de... il y a eu une tentative de dévoiler comment le langage pouvait informer la réalité, Et donc, il y a eu certains efforts pour construire aussi d'autres langages. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc, en particulier, il y a une linguiste qui s'appelle Suzette Haden Elgin, qui a développé une langue qui s'appelle le Laadan. Donc, c'était un peu dans un objectif de tester aussi l'hypothèse de Sapir-Whorf, donc l'idée que les langues que l'on parle déterminent nos perceptions et nos compréhensions de la réalité. Et donc, elle a créé cette langue qui a une grammaire que l'on peut apprendre. Et cette langue est supposée aider à, enfin, chercher à entraîner une autre façon de percevoir la réalité, d'être plus proche d'une certaine perception, et là encore féminine, enfin, d'une certaine subjectivité féminine de la réalité, en particulier en essayant de limiter certains types d'ambiguïté sur la séparation entre ce que l'on pense, ce que l'on veut dire et ce que l'on dit effectivement. Quand même citer les romans qui sont bâtis autour du Laadan. Oui, mais en fait, je les ai pas lus, donc je voulais juste dire que ça existait. Et je veux parler d'une dernière chose, de deux. Enfin, je vais y arriver. Donc, sur cette question que j'ai très rapidement évoquée du post-structuralisme et de la science-fiction féministe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu certains textes de science-fiction féministes qui ont cherché à interroger les limites du genre et aussi les limites de ce que c'est que de proposer une narration. Et en particulier, je pense au texte encore Ursula Le Guin, Always Coming Home, en fait, c'est un texte qui se donne comme une sorte de, on pourrait dire, un carnet anthropologique, un recueil multimédia sur une société. Et donc, en fait, le texte contient des autobiographies, des partitions de musique, des cartes, une cassette, apparemment, La des cassette pièces de n'existe que théâtre. dans la version américaine. D'accord, oui. Le texte a été traduit, mais aucune des deux éditions françaises ne comporte la cassette. Enfin, du moins dans la façon dont c'était pensé, c'était supposé être comme ça, vraiment. Voilà, interroger le fait que. Donc, à la fois cette idée de présenter un témoignage, si on peut dire un témoignage de cet univers, mais aussi interroger le fait qu'un roman, ce soit seulement un certain type de texte. Et autre particularité donc, de ce roman, c'est que donc, un des fils narratifs principaux, qui est donc une des autobiographies où. Enfin, donc, je ne vais pas la raconter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette autobiographie, elle est coupée. Elle est présentée par bout. À la fin de chaque passage, il y a la page où le passage suivant, enfin, où l'histoire continue. Et donc, en fait, une interprétation qu'on peut faire de ça, c'est que le lecteur est confronté à la tentation de lire enfin, de lire l'histoire, l'autobiographie en entier d'un coup, en fait. Donc, de sauter les paragraphes, les passages qui ne seraient pas de la littérature, ou qui ne raconterait pas l'histoire. Donc finalement, d'imposer des normes de linéarité du récit à ce texte, ou sinon, donc ça c'est une tentation, ou sinon de suivre l'ordre des pages, mais d'accepter dans ce cas-là que le récit n'est plus strictement linéaire, n'est plus strictement, voilà, n'est plus construit de façon progressive avec les codes de la narration classique. Ok, je pense qu'il est. Oui. Always Coming Home, si je suis sûre à une traduction en français. Always Coming Home. D'accord. Donc, j'aimerais conclure. Ah oui, j'aurais pu vous donner au moins en fait deux références, excusez-moi, pour cette question du postmodernisme. Un article vraiment intéressant, c'est Postmodernism and Feminist Science Fiction de Robin Roberts. Et pour la question du paradigme séparatiste, il y a un article de Peter Fitting, Fitting, qui s'intitule Reconsiderations of the Separatist Paradigm in recent feminist science fiction. Donc, je voulais conclure sur finalement quelque chose enfin, sur le personnage féminin dans la science-fiction, et enfin sur la façon dont, dans la science-fiction, ces personnages... En fait, il y a dans un des articles que je lisais, il disait que, je crois que c'était Rich Calvin, disait que ce qui était aussi féministe dans la science-fiction, c'est que ça permettait de donner la parole, enfin, de montrer des femmes comme des personnes et des personnages à part entière. Et donc, donc évidemment, c'est pas quelque chose que seulement la science-fiction peut faire, mais il y avait quand même l'idée que dans la science-fiction, que la science-fiction permet vraiment de le faire. Et donc, on peut presque demander si c'est pas encore de la science-fiction un personnage vraiment féministe. Et donc, je pense que les romans de science-fiction féministes permettent de donner la parole à un regard différent. Donc de donner la parole à des femmes qui peuvent, même si elles évoluent dans des mondes qui ne sont pas féministes, porter un regard féministe, un regard critique sur ces mondes et véhiculer, développer d'autres savoirs. Mais aussi, surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages qui sont vraiment des personnages à part entière et qui sont présentés comme libérés du regard masculin et qui, en particulier, s'affirment souvent par une certaine absence d'amabilité. En fait, il y a un essai de Roxane Gay qui s'intitule « Not here to make friends » où elle discute de cette exigence pour les personnages féminins d'être likable et d'être appréciable. Sinon, les lecteurs ne pourraient pas s'identifier avec eux. Sinon, c'est pas des personnages légitimes. Et souvent... les personnages dans la science-fiction réussissent à s'affranchir de ces exigences, enfin, quand elle est féministe, du moins, parce que, bien sûr, dans le reste de la science-fiction, on peut discuter. Elles ont souvent non seulement une force physique, mais aussi une certaine façon d'être indépendante. Et par exemple, j'y serais beaucoup revenue dans le texte de He, She and It, le personnage principal discute de comment souvent les hommes, parce que, dit-elle, elle a des grands yeux et un regard étroit, s'attendent à ce qu'elle soit douce, soignante, enfin voilà, attentionnée. Et elle explique que c'est simplement la réaction néotonique aux chiots, aux nourrissons, etc. Et elle dit « Quand j'étais à l'université, pour être sûre d'être prise au sérieux, je passais mon temps à froncer les sourcils. » Et je pense que, d'une certaine façon, les personnages féminins dans la science-fiction nous apprennent aussi à froncer les sourcils, à accepter que l'on fronce les sourcils, et à nous identifier à cette possibilité. Je crois que je vais m'arrêter comme ça, si ça vous va. Merci. Si vous avez dans vos expériences de lecture de science-fiction féministe vu d'autres motifs, ou si vous pensez à des choses qui ne correspondent pas du tout aux motifs que j'ai discuté, enfin, je sais pas, si vous avez un roman favori de science-fiction féministe à me conseiller. Est-ce que vous pouvez faire circuler le... Oui, oui, tout à fait. C'est pas un nouveau motif parce que tu l'as bien dégagé sur le rapport au langage. Mm-hmm. Moi j'ai trouvé ça, enfin je sais pas si c'est très bien pensé. C'est très dur en français parce que les deux premiers tomes sont parus. Comment ça? Bah, du coup, moi je l'ai lu en anglais, mais je pense que ce serait bien de le lire en français aussi. Parce que Le traducteur s'est vraiment arraché les cheveux. En tout cas, Est-ce que vous pouvez la laisser finir? C'est un peu compliqué de raconter l'histoire, mais ce qui est surprenant dans le livre, c'est que le genre, enfin, il y a plusieurs personnages dans le personnage principal, le genre des personnages change tout le temps. Donc c'est un i ou un chi, ou un i ou un chi, c'est des pages. Donc au début, c'est assez compliqué de garder en fait une continuité. Parce que les pronoms changent et au bout d'un moment on finit par s'habituer. Et enfin, moi, je pense que ça me pose des soucis, mais ça, c'est le premier truc assez étonnant dans le livre. Et le deuxième, Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais c'est un peu une réflexion sur la question de la conscience collective, parce que du coup, le personnage ou la personnage principal, c'est un ancien vaisseau. Ah oui, ça me dit quelque chose. Une espèce de grande armée qui serait dirigée par une conscience collective unique. Et en fait, au fur et à mesure du roman, on voit que, bah, en fait, il y a quand même une espèce de dissonance qui apparaît. En tout cas, il y a deux consciences qui coexistent, une conscience collective et une conscience individuelle. Et en fait, exploser puisque le vaisseau il va s'individualiser, il va devenir une seule personne, mais il a quand même le récit c'est à moitié un récit en même temps des souvenirs de cette personne quand elle était une personne collective. Et du coup ça c'est vachement riche comme réflexion sur l'identité et ça va au-delà du genre mais même sur la question. A-N-M et Leki, L-E-C-K-I-E. C'est bien la série Un soleil. Ouais. Il y a dans les romans de Cameron Hurley, il y en a, dans ce dont je parlais, non, j'ai pas parlé de celui-là, mais en tout cas, il y en a un autre où, dans une des sociétés, il y a plusieurs genres. Et comme elle raconte, par le point de vue c'est à la troisième personne, mais du point de vue des personnages. Et en fait, à un moment, un des personnages est un personnage du troisième genre. Et donc, en fait, elle utilise pendant tout le chapitre un pronom. Elle utilise le zir, z-i-r, donc un pronom ni masculin ni féminin, ça a ce même effet de, au début d'étrangeté, d'absence d'habitude, et puis en fait au bout d'un ou deux chapitres, on comprend, ça devient clair que c'est tout à fait utilisable et normal, en fait la grammaire change, on apprend de la grammaire quoi, en un sens. Et ça c'est dans The World Breaker Saga de Cameron Hurley. Oui, Worldbreaker, oui. Mais ce qui est un peu triste, dans les romans de science-fiction féministe, ce que je trouve toujours un peu décourageant, c'est que les dystopies sont beaucoup plus faciles à atteindre que les dystopies, en fait. Les dystopies, il suffit d'un coup d'état fasciste, comme dans La Servante écarlate, et boum, toutes les femmes sont réduites à l'état d'esclave sexuel et reproducteur. Et genre, par contre, les utopies, les mondes où tout ça se passe super bien et tout, il y a forcément eu une apocalypse nucléaire ou une guerre horrible avant, et les quelques survivants se sont mis ensemble et ont décidé qu'ils allaient survivre autrement, ou alors les hommes ont été éradiqués d'une manière très violente, et tu as des épidémies et tout. C'est un côté un peu désespérant parfois, ou alors des sociétés nouvelles peuvent venir, mais dans un contexte vraiment extrêmement affreux et pessimiste de guerre de tous contre tous, et donc du coup il y a un monde à réinventer, mais du coup c'est sur les ruines d'un monde où c'est vraiment dur quoi. Oui. Du coup c'est des sentiments mêlés quoi, c'est à la fois enthousiasmant puis à la fois oui, absolument, un peu dur quoi. Oui, finalement ça, il y a un peu est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un peu un sens où ça remet en doute la possibilité d'un réformisme féministe finalement. Il faut vraiment un saut, il faut une crise, il faut vraiment quelque chose pour réussir à mettre en place une société féministe. Ça semble difficile à faire advenir. Je ne sais pas si ce serait éventuellement, je ne saurais pas dire, mais peut-être aussi une indication de peut-être manque d'imaginaire, d'imagination dans le sens que on ne peut que imaginer cette possibilité avec ce saut d'extrême violence sous-jacent. Sorte d'indication de notre psyché, nos idées actuelles, plus que le manque ou non de possibilités littérales de ces autres mondes. Je veux dire, il faudrait faire une violence à notre psyché pour pouvoir imaginer cet univers-là, mais du coup, c'est un social de genre contexte de violence et de. Je pense qu'elle veut dire qu'il faut écrire plus de science-fiction. De quoi ? Il faut écrire plus de science-fiction. J'ai envie de proposer des visions plus optimistes, mais malheureusement, c'est un auteur masculin qui vient en tête. Pour des auteurs masculins qui viennent en tête. Vous pensez à. Ce sont Samuel Delany, Adore Triton, et il y a la Iverdane dans Tectomorphose. Oui. Donc vous pensez que. Ce que vous suggérez, c'est que. Les visions plus réformistes sont difficiles à écrire par des femmes. Ou est-ce que c'est, ça vous dirait que c'est un aspect circonstanciel moins, opprimés au départ. Donc, ils partent du principe qu'il y aurait une possibilité d'obtenir l'égalité par un effort des deux côtés. Ils n'ont pas l'impression de cette oppression à vaincre. Enfin, je pense que quand même, je ne suis pas entièrement sûre. Ce que je dirais peut-être, c'est que c'est comme je disais à un moment qu'il n'y avait pas vraiment des plans d'action. Et peut-être que c'est aussi parce que ça reste de la fiction et que donc c'est plutôt pour débloquer notre imagination que pour nous dire. Donc pour, voilà, pour être des programmes, des manifestes politiques de description de société à accomplir. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il y aurait besoin d'insister autant sur cet aspect de nouveauté. Enfin, si il s'agissait de nous dire quoi faire, on écrirait des utopies et pas des utopies science-fictives, peut-être. Enfin, on n'aurait pas besoin de parler d'une autre planète, d'un autre temps. Je ne sais pas, je pense un peu tout haut. Des comment ? Ah oui, absolument. Oui, non, mais c'est pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Je suppose aussi pour rebondir sur cette question, je me demandais un peu sur la définition de science-fiction féministe. Est-ce que c'est quelque chose qui est revendiqué par l'auteur ou l'autrice en sorte de a priori ? Est-ce que c'est une sorte de label qui est collé par la suite ? Finalement, autre que des œuvres purement sur le féminisme, je m'interroge un petit peu sur ce qui est de facto et ce qui. Quelles œuvres sont de facto féministes et quelles œuvres éventuellement pourraient aider à amener à des idées féministes ou au moins s'interroger, comme tu dis, sur les normes de genre, de structure sociale. Et du coup, comment toi, dans tes recherches, tu avais calé ça Je pense que c'est vraiment. Enfin, c'est un très bon point. C'est aussi très probable que j'ai interprété. Enfin, que c'est plutôt. Moi qui ai. Enfin, il y a certains textes qui. Quand on lit. Bon, je pense que c'est moi qui ai plutôt déterminé ce qui était féministe ou pas. Par exemple, enfin, d'ailleurs, He, She and It, j'ai eu des doutes. On me l'a conseillé comme un roman de science-fiction féministe. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'avais de plus en plus de doutes sur la question de savoir si ça s'intègre, enfin, si ça pouvait vraiment en faire partie ou pas. Mais j'en ai quand même parlé parce que je trouvais qu'il y avait quand même certains aspects qui ressemblent, enfin qui permettaient de penser par rapport au féminisme. Il y a des auteurs qui vraiment qui produisent aussi autour de leurs œuvres des textes où elles ont l'intention de faire du féminisme, enfin ou de Enfin, par exemple, Cameron Hurley, elle a publié l'année dernière une collection d'essais qui s'appelle The Geek Feminist Revolution, où vraiment elle inscrit ses récits et son travail d'écrivain dans un, voilà, une volonté de révolution. Voilà. Et donc il y en a certaines où c'est comme ça, et il y a sans doute aussi d'autres personnes où c'est moins clairement théorisé, et où on peut plutôt, nous, essayer de voir ce que ça nous apprend pour être féministe. Et il y a celles qui, sans avoir revendiqué le féminisme, ont parfaitement reconnu s'y inscrire, à commencer par Ursula Le Guin. Oui. Aussi, je n'ai pas regardé si son nom était un pseudonyme. Oui. Est-ce que vous voulez arrêter là ? Est-ce que vous voulez continuer ? Ben, je vous propose de... alors, il faut... Attends, je vais couper l'enregistrement. En tout cas, merci. J'ai appris des... J'espère que vous avez un peu appris des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé